It's kind of dumb, baby. Les pas gain limite, les pas gain cœur, les pas titillé. Au pas épargné, n'est pas de côté aussi, tiè. Ni innocent, ni qui est-ce qui tiè. Les pas gain barrière, les pas contre qui ça kill tiè. Oh, maintenant la fête, pas bon, raconte si tiè. Ben, si t'en te mettre devant, pas prendre sur le tiré. Et on met fil, met courir. La cupidon, on t'est baqué, on pas prendre sur le tiré. C'est que t'es wap, que t'es ou tombé de là. Si qui revient péter, la tombe ban ban. Quand même à l'âge de bac, on m'a détente. A pour apporter sous chien pour être ton bébé. Les baguettes sans attendre, leur pensée le bala. Chaque monde au cavalier pour danser bala. Des fois pour la vie, ni faut passer par là. Les tacouilles en amour, faut passer par là. Je frappe, ça ne va éviter. Même si qu'on est au bas, souffrir elle paraît toi point car où il s'en va. Pourquoi elle tombe sur Yon qui barre des goûts? On l'a qui prend tristesse pour faire debout. Mais pourtant, au cas qu'il t'aille, pour y'en la tourner, mais please. Jusqu'à ce qu'il ta couille, on m'en la paye des l'amour, je dis qu'à faire ou crier. Des mêlis, pas faire ou sourire. Les blessés au cœur, les frises au cœur. Y'en l'autre, mon palais, des guéris. Malgré chez Gouillon, ma jambe pour guérir. Belle au bois des campins, oublier d'autres bagailles, rien n'est pas existé, consacré ton seulement à un couple. Après, pas les soupçons, jalousie, pas mettre tes pieds, après ça tout le et laisse ça ou pas réaliser. Tout t'es naïf, mais l'itre t'as c'est tout point. Mais c'est pas comme ça le devini. Ou pas demander la mort, c'est pas comme ça le devini. Pour j'en noter d'amour, l'état fait belle promesse. Pour j'en t'es quoi dans l'île, c'est comme ça le fini. Mais c'est où que t'es là pour ça, c'est pas pour ça le devini. J'en l'amour paraître là, c'est pas comme ça le devini. Pas courir la guerre qui a gardé avant la guerre confiance. Mais toujours quand ensemble, c'est pas pour ça le devini. Non. Yeah.